Thank you. Salam alaikum, mes frères. JP, Mister Farfisa, JP l'homme de l'orgue. Ah putain, pourquoi j'ai deux pistes allumées moi ?